بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 96 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc, on était en train d'expliquer au dernier cours les différentes catégories des gens qui sont, yani, par rapport à la bataille de Tabouk, les différents groupes les différents groupes qu'on retrouve par rapport à cette bataille. Et on a mentionné au dernier cours que parmi ces trois groupes, il y avait le premier qui était ceux qui sont excusés parce qu'ils étaient malades ou handicapés ou quelque chose comme ça. Le deuxième groupe, c'est des croyants qui n'avaient pas d'excuses mais qui avaient été frappés par de la paresse ou des choses comme ça. Puis par la suite, ils ne sont pas partis mais qui se sont repentis sincèrement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné. Et le troisième groupe, le groupe des hypocrites, al-munafiqoun. Et on était en train donc d'expliquer cette situation-là. Et tout ça, c'est dans le but d'expliquer et de clarifier que yani, la porte de la repentance, elle est ouverte pour les croyants et que personne n'est excusé de commettre des péchés et que la prédestination n'est pas une excuse pour celui qui commet des péchés. Et on le voit chez les sahaba, on le voit chez les prophètes, on le voit chez les sahaba, on le voit chez les grands ulama et les hommes pieux. Yani. Donc tout ça, c'est clair. Donc ceux parmi les soufis qui prétendent qu'ils ont atteint al-yaqin, par conséquent, ils n'ont plus besoin d'obéir à Allah et qu'ils pensent qu'ils sont en train d'obéir au qadar lorsqu'ils désobéissent à Allah. Tout ça, c'est des ruses du shaitan qui les a égarés, hein, qui les a séduits par ses égarements. Donc, inshallah, donc on va lire qu'est-ce qui est à lire aujourd'hui dans le texte, à l'endroit où on est arrivé. Et puis, on va lire l'explication, on continue l'explication, inshallah. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a mentionné les versets 117 à 119 dans Surat At-Tawbah. Et puis, lorsqu'il a terminé de mentionner ces trois versets-là, on a lu l'explication et il dit ensuite « وَهِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ » Hein, il dit, c'est les dernières choses qui ont été révélées du Coran. Parce que Surat At-Tawbah, ça fait partie de la dernière révélation dans le Coran. La dernière surat qui a été révélée, ou parmi les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, « Akhiru ma nazala min al-Qur'an » آخر ما نزل من القرآن لأنها بعد غزوة تابوك وغزوة تابوك هي آخر الغزوات فهي من آخر ما نزل من القرآن. Donc il dit le cheikh que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit le cheikh que c'est les dernières choses de ce qui est révélé du Coran. Et il explique ensuite et il dit donc que c'était révélé après la bataille de Tabouk. Et il dit « وَقِيلَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ إِنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Et il dit que certains ulama Les ulama de tafsir ont mentionné que la dernière sourate qui a été révélée, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nasr. Lorsque vient la victoire d'Allah, hein, lorsque vient le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les hommes entrer par groupe en religion, dans la religion d'Allah, alors glorifie, hein, la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon, demande-lui pardon, car il est certes, hein, celui qui accepte la repentance. Et donc, on voit donc que si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'il y a dedans l'ordre, hein, de la repentance. Donc, si tout ce qu'on faisait était programmé et établi par le qadar, dans le sens que l'être humain, même quand il fait des péchés, il n'a pas de choix dans ses actions et qu'il est en quelque sorte obligé de désobéir, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'ordre de repentance, puisque hein, son obéissance et sa désobéissance seraient équivalentes. Donc ça réfute clairement les soufis qui prétendent ce genre de choses. Le cheikh, il dit ensuite, pour expliquer ce point-là par rapport au verset de sourate An-Nasr, wa amara nabiyyahu an yakhtima umrahu bil istighfari. فالمسلم إذا كان في آخر عمره يكثر من الاستغفار لأن الله أمر نبيه بأن يختم عمره بالاستغفار ما هي علامة أجل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعلامة أجله فتح مكة قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت الوفود من القبائل تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أمره الله أن يختم عمره بالاستغفار فالاستغفار إذن تختم به الفريضة أو تختم به الفريضة صلاة الفريضة ويختم به قيام الليل ويختم به مناسك الحج ويختم به العمر. Donc le cheikh il explique que c'est ça le point qu'on expliquait dans les derniers points, dans les dernières explications, dans les pages précédentes. C'est que la dernière chose, la chose qu'on doit faire, que Allah nous a ordonné de faire après les adorations qu'on établit, hein, et après les bonnes œuvres qu'on fait, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Après la salat, on dit astaghfirullah, hein, on demande pardon. Après le hajj, on demande pardon. Et plusieurs adorations que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées, on voit qu'il y a la demande du pardon. Et donc, dans la prière de la nuit aussi, on demande pardon à la fin. Et il dit ici, on voit que même à la fin de la vie, la dernière chose qu'on doit faire, c'est demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, hein, c'est des preuves qui établissent que on doit terminer toujours nos actions et les bonnes œuvres qu'on fait par la demande de pardon et la repentance. Donc, que dire de celui qui commet des péchés, hein? Si après avoir fait des bonnes œuvres, on doit se repentir et demander pardon, eh bien, après avoir fait des bonnes œuvres, on doit encore plus se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de clôturer ou de terminer sa vie par la demande de pardon dans Sourate An-Nasr. Et il dit le cheikh que le musulman, donc lorsqu'il est à la fin de sa vie, il doit augmenter le nombre de ses demandes de pardon en demandant le pardon en disant Astaghfirullah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de terminer sa vie hein, à la fin de sa vie, de dire le yani, de dire astaghfirullah et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est le signe dans cette sourate? Dans cette sourate que c'est la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est annoncée, eh bien c'est la victoire, hein, de la conquête de la Mecque. Donc il dit, le signe donc de la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie terrestre, c'est la victoire de, hein, la conquête de la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans la sourate An-Nasr, le verset 1, hein, Idha ja'a nasrullahi wal fath, hein, lorsque vient la victoire d'Allah, lorsque vient le secours d'Allah et la victoire, hein, c'est-à-dire la conquête, al-fath, la conquête de la Mecque. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu vois les gens qui rentrent par groupe en islam. Donc ça c'est le deuxième verset et qui est un autre signe de la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui approche. Il dit, hein, لِأَنَّهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ, donc parce qu'après la victoire de la Mecque et la conquête de la Mecque, les gens ont commencé à rentrer par groupe dans l'islam. Et les délégations des différentes tribus commençaient à venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner allégeance. Et il dit à la fin du verset, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors glorifie la louange de ton Seigneur ou la gloire de ton Seigneur et demande-lui pardon. Il est certes, hein, Tawwaba, il revient vers son serviteur, hein, et il accepte sa repentance. Et il dit, Amar Allahu, donc Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de terminer et de clôturer sa vie terrestre par la demande du pardon et de demander à Allah pardon lorsqu'il termine ses adorations et ses obligations religieuses, et qu'il termine par les prières, lorsqu'il termine ses prières de la nuit, et lorsqu'il termine ses rituels du Hajj, et lorsqu'il termine sa vie, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit, فَأَمَرَهُ تَعَالَى أَنْ يَخْتِمَ عُمُرَهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالِاسْتِغْفَارِ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Oui, c'est ça. Donc, il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui avait ordonné dans Sourate Al-Asr de faire la glorification d'Allah et de lui demander pardon. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit à ce sujet-là que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans son rukou' et dans son sujoud, hein, dans son inclinaison et dans sa prosternation dans la prière, il disait Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, hein, gloire à toi, ô Allah, notre Seigneur, et par ta gloire, ô Allah, pardonne-moi. Et elle dit à la fin Yata'awwalul Qur'an, c'est-à-dire il disait ça dans le but d'expliquer et yani, d'interpréter le Coran. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc il disait par rapport à ça, yani, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghfirli. Pour mettre en application ce qui est ordonné dans le verset. Le cheikh Al-Fawzan, il dit ici à propos de ça, بعدما نزلت عليه هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفره, كان في سجوده وركوعه يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يفسر هذه السورة، لأن التأويل في الأصل يراد به التفسير، وهذا المعروف عند السلف، التأويل يراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه الأمر من في المستقبل. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. يعني لما رأوا مآل الأمور في الآخرة، هذا هو التأويل في المعنى الثاني، ما يؤول إليه الأمر في النهاية. قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويلها ما حصل من سجود أبويه وإخوته له، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وهذا في أول عمره، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وجاء تأويل هذه الرؤيا إلا في آخر عمره، ما جاء تأويل هذه الرؤيا إلا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي. فتأويل يراد به معنيان: التفسير أو ما يؤول إليه الأمر في النهاية. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا تأويل محدث، ولكن إذا كان بدليل فلا بأس، وهذا يسمى تخصيصا أو تفسيرا، وإن كان بغير دليل فهو تأويل باطل كتأويل الأسماء والصفات. فالحاصل أن هذا معنى التأويل له ثلاثة معان: معنيان صحيحان ومعنى فيه نظر. المعنى الصحيح الأول التفسير، والمعنى الثاني المآل في النهاية وبيان حقيقة الأمر وكنه الأمور في آخر الأمر، والثالث الذي فيه نظر صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بدليل فهو نوع من التفسير وبيان المراد، وإن كان بغير دليل فهو تأويل باطل. نعم. Donc on va expliquer ça. Ici, qu'est-ce que le cheikh il a dit? Il dit que après que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, glorifie la louange de ton Seigneur et demande-lui pardon, eh bien, dans le sujoud et dans le recours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait le dua suivant: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. Il disait donc: gloire à toi, ô notre Seigneur, ô Allah notre Seigneur, et par ta gloire, ô Allah, pardonne-moi. Et il disait ça pour expliquer le Coran, puisque dans le verset, Allah lui ordonne de dire ça, donc il le mettait en pratique et il l'expliquait en disant cela. Et donc ça, c'est une façon d'interpréter. Yata awwalu, ça veut dire il interprétait, yufassiru. Donc, at-ta'wil et at-tafsir, c'est en quelque sorte un synonyme. Ta'wil, c'est un synonyme de tafsir dans ce sens-là. Et il dit, donc il explique maintenant qu'est-ce qui a rapport avec la définition ou la signification du terme ta'wil. Parce que au sujet de ce mot, le mot ta'wil, Il y a eu quelques ambiguïtés qui ont été introduites dans les compréhensions des gens à cause de certaines innovations que certains innovateurs ont fait rentrer dans la religion. Et donc, ils utilisent le terme ta'wil un petit peu à tort et à travers. Alors, le cheikh ici, il a décidé d'interpréter ou d'expliquer plutôt les différents sens que peuvent avoir le mot ta'wil dans la langue arabe et de clarifier les sens erronés qui ont été donnés à ce terme. Et donc, il dit que le mot, à la base, le mot ta'wil, il se réfère au tafsir, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. Et ça, c'est ce qui est, ça, cette définition-là, c'est la définition qui est connue chez les salafs. Lorsqu'ils utilisent le terme ta'wil dans leur parole, en général, ils l'utilisent uniquement pour désigner le tafsir. Et une autre signification du mot ta'wil, hein, c'est pour désigner la conclusion d'une chose. Hein, ou la façon dont une chose se termine à la fin, hein, ou la concrétisation d'une chose qui a été annoncée auparavant. Donc ça, c'est une deuxième définition pour le mot ta'wil. Et on va expliquer l'exemple de ça dans les versets que le cheikh a donnés pour clarifier cette signification. Donc il dit par exemple ici que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, dans Sourate Al-A'raf, le verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Hal yanzuruna illa ta'wilahu, yawma ya'ti ta'wiluhu, yaqulu alladhina nasuhu min qablu, qad ja'at rusulu rabbina bilhaq. فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدْ. Donc, le verset en question, c'est le verset 53 dans Sourate Al-A'raf. Donc, on va le lire ensemble, Inch'Allah, et comprendre sa signification. Il dit: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attendent-ils autre que sa réalisation? Hein? Attendent-ils autre chose que sa réalisation, c'est-à-dire la concrétisation et la réalisation de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses promesses? Hein? Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça en parlant des kuffars et des mushrikines. Est-ce qu'ils attendent autre chose que la réalisation et la concrétisation de sa menace et de ses promesses? Yawma ya'ti ta'wiluhu, yaqulu alladhina nasuhu min qabl. Donc le cheikh il a donc cité la suite du verset: le jour où sa réalisation véritable viendra, c'est-à-dire lorsque ça va se concrétiser réellement à la fin, ceux qui auparavant l'oubliaient diront: les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions encore une fois, hein, et que nous faisions autrement que ce que nous faisions auparavant? Donc on voit ici, hein, une des significations du terme ta'wil, qui est le fait que quelque chose se réalise et se concrétise à la fin, comment elle se termine. Et il donne un autre exemple de ça dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, par rapport à la vision que Yusuf alayhi salam a vue dans son rêve au début de sa vie, qu'il a vu, il mentionne qu'il a vu 11 planètes ou 11 étoiles, hein, et le soleil et la lune qui se prosternaient à lui. Hein. Et donc, ça, c'est la vision qu'il a vue. Puis, à la fin de sa vie, quand justement son père et ses frères se sont tous rassemblés et qu'ils ont su que c'était lui et qu'ils étaient tous prosternés devant lui à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit Youssouf alayhi salam? Il a dit, ça c'est la concrétisation hein, de la vue, de qu'est-ce que Youssouf alayhi salam avait eu comme vision auparavant. Et le terme qui est employé dans les versets pour désigner ça ou pour expliquer ça, c'est le terme ta'wil, encore une fois. Parce que dans le verset 100, dans Sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les propos de Yusuf lorsqu'il dit Hada ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqa. C'est-à-dire, ça c'est l'explication ou la concrétisation plutôt. Il dit ça, c'est la réalisation, la concrétisation de la vision que j'avais vue auparavant. Mon Seigneur l'a fait se produire. Hein? Il a fait en sorte qu'elle se réalise réellement. Et c'est-à-dire le fait que son père et ses frères se prosternent devant lui. Et ça, c'est mentionné dans le verset 4, hein? Dans Sourate Yusuf, alayhi salam. Lorsqu'il mentionne donc justement la vision qu'il a eue, il la mentionne à son père et son père lui dit, ne la mentionne pas à tes frères. Hein? Ne la mentionne pas à tes frères. Il dit, yani, quand Joseph, yani Youssouf, alayhi salam, dit à son père, Yaqub, alayhi salam, ô mon père, alaykoum salam, rahmatullah, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et le soleil et la lune. Je les ai vus hein, prosternés devant moi. Donc, ça c'est la vision qu'il avait vue au début. Puis dans le verset 100, on voit quand il dit, ceci est la concrétisation de cette vision que j'avais vue. Hein. Et ils l'ont traduit dans la traduction par réalisation. Pardon, par interprétation, parce que dans la traduction, ils ont écrit et il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Donc ici, c'est plutôt dans le sens de la réalisation et de la concrétisation du rêve, et non pas seulement l'interprétation. Et c'est ça ce qu'il dit ici. Donc, le terme ta'wil, il peut avoir deux significations. Hein, deux significations. Dans la langue arabe, qu'est-ce qu'on retrouve? La définition ou l'explication du terme ta'wil, c'est que ça veut dire soit le tafsir ou soit ma ya'oulu ilayhi l'amr. C'est-à-dire ce vers quoi se termine une chose. Hein, la conclusion d'une chose ou la. Comment on appelle ça là? Il y a un autre terme aussi pour désigner ça, c'est-à-dire une façon comment une chose se termine. Le dénouement, hein? Le dénouement d'une chose, comment une chose hein, se termine à la fin. Donc ça, c'est des significations, deux parmi les significations qui sont valables et qui sont vrais et qui sont authentiques dans la langue arabe, qui sont connus chez les Arabes. Et il dit qu'il y a une autre définition qui a été inventée par la suite et qui est une définition qui est en quelque sorte un peu ambiguë. Hein? C'est une définition qui a été inventée et qui peut parfois être correct et parfois ne pas l'être. Et il l'explique maintenant. Il dit, tandis que le ta'wil, qui est interprété ou expliqué comme étant le fait de détourner un mot de son sens apparent, eh bien, il dit, ça c'est la définition du ta'wil qui a été inventée. Hein? Et n'est pas authentique cette explication-là ou cette définition-là. Du ta'wil, ça c'est le ta'wil qui a été la définition du ta'wil qui a été ramenée par les gens de bid'ah pour déformer le sens des versets d'Allah et des attributs d'Allah. Donc ils disent, ils font le ta'wil en déformant le sens réel d'un mot et en le mettant hors de son contexte. ils appellent ça le ta'wil. Or, ça n'a rien à voir avec la vraie définition du terme ta'wil. Mais il dit, toutefois, si la personne, elle déforme le sens apparent du mot par un autre sens avec une preuve, hein, c'est-à-dire une preuve soit du Coran et de la Sunna, ou une preuve de la langue arabe, hein, pour justifier cette interprétation-là, hein, alors là, dans ce cas-là, ça passe, ça peut être accepté. Tandis que, et il dit, si on l'accepte, s'il y a une preuve, dans ce cas-là, on va l'appeler tarsis. Hein. On va l'appeler soit tarsis ou tafsir. Parce qu'il y a un dalil pour justifier le sens qui a été déformé, le sens apparent qui a été déformé. Toutefois, si la personne, elle change le sens apparent du terme ou du mot qui a été employé sans ramener de preuves pour justifier cette déformation ou ce changement, eh bien, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-ta'wil al-batil. At-ta'wil al-batil. Donc, le ta'wil qui est faux, l'interprétation qui est fausse. Et il dit, comme par exemple, le fait de faire le ta'wil des noms et des attributs d'Allah chez les mubtadi'a. Quand ils disent, par exemple, la main, ça veut pas dire la main, ça veut dire la grâce ou ça veut dire la force. Et ils disent, par exemple, le visage, ça veut pas dire le visage. Ça veut dire autre chose. Et là, ils vont dire par exemple que l'ouïe, ça ne veut pas dire ça. Et la vue, ça ne veut pas dire ça. Et l'istiwa, ça ne veut pas dire istiwa, ça veut dire istaula. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples de ta'wil qui sont batil. Donc, on peut résumer tout ça en disant que le ta'wil, il vient avec différentes significations. Parmi ces significations-là, il y en a trois. Et il y en a deux de ces significations qui sont bonnes. Hein, et une autre dans laquelle il faut regarder. Il faut regarder pour voir si c'est correct ou non. Donc il dit, la signification qui est correcte, c'est la première, at-tafsir, hein, l'interprétation. Dans le sens de l'interprétation. Donc, ta'wil, ça veut dire l'interprétation. L'autre signification qui est correcte, c'est le ta'wil dans le sens du dénouement d'une chose ou de la conclusion d'une chose. Comment une chose se réalise et elle se concrétise. Hein? Comme par exemple les signes du jugement dernier, lorsque ils se produisent, on dit, ah, ça c'est le ta'wil de telle chose. Parce que c'est le ta'wil, parce que ça se réalise. Hein? Un autre exemple aussi, une autre interprétation qu'ils ont donnée, c'est la troisième. On a dit dans celle-là, il faut voir, hein, si la personne, elle déforme le sens de le sens apparent d'un mot vers un autre sens qui n'est pas apparent, alors si c'est supporté par une preuve, alors dans ce cas-là, on va dire que c'est permis, c'est correct. Hein? Et si on le fait sortir de son sens apparent, mais qu'on ne ramène pas de preuves, alors là, dans ce cas-là, c'est batil. Si on le déforme de son sens apparent avec une preuve, on dira que ça rentre dans le tafsir. Toutefois, si on le fait sortir de son sens apparent sans preuve, alors là, dans ce cas-là, on va dire que hein, ça fait. Yani, ça c'est un tafsir qui est batil. Et la preuve en question, il ne faut pas que ce soit une preuve yani, tirée de la passion et des désirs ou de qu'est-ce que les gens de Bid'a ils prétendent par rapport à la raison, par exemple. Ils disent ça, c'est prouvé par la raison. Hein, alors que ça vient en contradiction avec qu'est-ce qui est établi dans le Coran et dans la Sunna. Donc on dit non, ça, ce n'est pas une preuve, ça. Faut que la preuve soit une preuve de la révélation elle-même, hein, ou bien une preuve de qu'est-ce que les Arabes ont utilisé de la langue pour justifier que leur interprétation est correcte. Ok. Ensuite, le cheikh il dit, لكن قولها رضي الله عنها يتأول القرآن يعني يفسر القرآن يقول اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يفسر قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Donc il dit le cheikh, alors glorifie hein, la louange de ton Seigneur et demande-lui pardon. Il est certes tawwab, hein, il accepte la repentance de ses serviteurs. Yani, et ça, le cheikh, il dit que Aïcha radiallahu anha, elle l'a expliqué quand il disait ce dua, « Oh Allah, par ta... Yani, » Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfir Allahumma ghfirli. Ça c'est une parole qu'elle disait pour expliquer le Coran par rapport au verset dans sourate An-Nasr. Naam. Ensuite le cheikh il dit wa fi as-sahihayn anhu sallallahu alayhi wa sallam كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت لا إله إلا أنت. نعم. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. Donc le cheikh il explique ici, et il a mentionné deux autres du'as. Le premier c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « oh Allah, pardonne-moi mes péchés et mon ignorance et mes dépassements, mes extravagances ou mes exagérations dans mes affaires et ce que tu sais de mieux encore. » De mes affaires que moi. Oh Allah, pardonne-moi yani mes distractions et les péchés que je fais par distraction ou quand je suis sérieux ou quand je suis en train de faire une erreur ou quand je fais quelque chose volontairement. Et tout cela existe en moi. Il dit, oh Allah, pardonne-moi ce que j'ai mis de l'avant, hein, ce que j'ai préparé et ce que j'ai retardé, ce que j'ai divulgué, ce que j'ai caché et ce que j'ai divulgué. Rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Ça, c'est un doua, donc le sens approximatif de ces paroles-là, ou le sens rapproché de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit « إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه » هذا الاستغفار مع أنه هو أكمل الأمة عبادة لله بل أكمل الخلق عبادة لله سبحانه وتعالى ولكن ما أحد يكمل نفسه أو يزكي نفسه وإنما يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que donc il dit si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon alors que c'est lui le plus parfait de cette umma hein, dans l'adoration d'Allah et c'est lui la plus parfaite des créatures dans l'adoration d'Allah, alors si lui il demandait à Allah, pardon, avec ces termes-là et de cette façon-là. Alors, ça, c'est la preuve que il n'y a personne qui a le droit de se sentir parfait lui-même et de se purifier lui-même ou de se considérer comme étant complet et parfait vis-à-vis de ses devoirs envers Allah. Mais on doit plutôt se considérer comme étant yani muqassir. C'est-à-dire, vis-à-vis d'Allah, on doit toujours sentir que on est dans le manquement. Hein, on n'a pas accompli les obligations que Allah nous a demandées correctement. Le cheikh, il dit ensuite, à propos du deuxième doa qu'il a mentionné, il dit: Hada Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, afdalul ummah, ala l'itlaq, ba'da ma ba'da an-nabiyyin, afdal ma ba'da an-nabiyyin afdalu min Abi Bakr radiyallahu anhu. Wa ma'a hadha, allamahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yastaghfira بهذا الاستغفار الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم ظلمت إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مع أنه من أكمل الأمة عملا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا النبي صلى الله عليه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الدعاء، علمه إياه وهو استغفار: ظلمت نفسي، يعني فظلمها بأي شيء؟ بالذنوب، لأن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلم النفس، عفوا، النوع الثاني ظلم الناس الذين يظلمون الناس في أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بأن يوقعها في الذنوب والمعاصي فيهلكها. فهو يقول: ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدل على أنه لا يستغني أحد عن الاستغفار مهما بلغ من الفضل والمكانة والعبادة، فإنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحصل منه خلل أو نقص. Donc le cheikh, il explique et il dit que ce doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr radiyallahu anhu, et on sait qu'Abu Bakr radiyallahu anhu c'est le meilleur de cette umma, hein, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après les prophètes, il n'y a pas de meilleur que Abu Bakr radiyallahu anhu. Et il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr cette grande forme de demande de pardon, hein, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui a enseigné ça. Oh Allah, je me suis fait du tort à moi-même, une grande injustice, hein, et personne ne pardonne les péchés excepté toi. Alors pardonne-moi mon péché d'un pardon venant de toi et fais-moi miséricorde. Tu es certes le grand pardonneur et le grand miséricordieux. Et il dit, et avec, malgré le fait que Abu Bakr radiallahu anhu, qui est un des plus parfaits après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus parfait de cette umma, hein, et malgré ça, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner ce doua. Hein? Et il lui a enseigné, et c'est une demande de pardon. Je me suis fait de l'injustice à moi-même. Quelle injustice qu'il s'est fait à lui-même? Il dit l'injustice des péchés. Et l'injustice est divisée en trois catégories. La première catégorie de l'injustice, c'est l'injustice que quelqu'un fait lorsqu'il commet du shirk. Le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk envers Allah. Hein, l'injustice envers Allah, c'est le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13, dans Surat Luqman, « Inna shirka la dhulmun azim. » Hein, certes, le shirk est une immense injustice. C'est la plus grande injustice. La deuxième catégorie d'injustice, c'est l'injustice entre les hommes. Et le cheikh, il dit que ceux parmi les hommes qui font de l'injustice envers les autres, dans leurs honneurs, dans leurs biens et dans leur sang, c'est-à-dire dans leur personne et leur physiquement ou bien dans leur vie, en faisant couler leur sang. Et la troisième catégorie d'injustice, c'est l'injustice que le serviteur se fait à lui-même, c'est-à-dire en faisant tomber son âme dans les péchés et la désobéissance, et par conséquent, il fait périr hein, cette âme-là. Donc, il dit, je me suis fait de l'injustice à moi-même, alors pardonne-moi. Et ça, c'est qui dit ça? C'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Hein? Donc, ça, c'est la preuve que personne ne peut se passer de la demande de pardon, peu importe ce qu'il a atteint comme grâce ou comme statut ou comme adoration, car il est toujours hein, dans le manquement vis-à-vis du droit que Allah a sur lui. Et également, il va toujours y avoir un manquement ou une déficience quelconque dans son adoration, peu importe son niveau de piété et sa grandeur de foi. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.